Chapitre 21e, Astana, palais présidentiel d'Accorda, début septembre. Dans son luxueux bureau de Moscou, à la tête de la commission eurasiatique depuis un mois et demi, Viktor Leonov n'avait pas chômé. Il avait su remobiliser tous les agents qui ronronnaient dans cette honorable institution en tentant de singer leurs homologues de l'Union européenne, en pire, puisqu'ils se trouvaient au croisement de deux traditions, les tracasseries paperassières de l'ère soviétique et la diarrhée réglementatrice de la technocratie bruxelloise. Entre mi-janvier, moment où le président Popov lui apprit qu'il succéderait au Kazakh Bakhtiar Tolgaev comme président de la commission eurasiatique, et mi-juillet, où il devait prendre ses fonctions, Leonov avait effectué la tournée des capitales d'Asie centrale. Il s'était fait accompagner de Zidov, l'économiste des Volkodlaks, pour travailler au renforcement de l'union du stater, la nouvelle monnaie. Ils en avaient profité pour rassurer leurs partenaires sur les événements internes qui, agitant depuis mi-mars l'oblast de Kemerovo, ne manquaient pas de les inquiéter. À peine les consultations achevées et honoré les rendez-vous, Leonov quitta Moscou pour une tournée des capitales de l'Union en tant que président de la commission eurasiatique en titre. Il avait songé cette fois à se faire accompagner de Koslov pour son premier déplacement officiel à Astana, la capitale du Kazakhstan, dont le semi-septuagénaire Firouz Nizamov, à la présentation impeccable et à l'esprit fin, était le président. Ce chef d'État était le premier dirigeant post-soviétique à avoir défendu politiquement la doctrine eurasiste. Ce fut ce qui motiva Leonov à lui consacrer sa première sortie. Le Kazakhstan et la Biélorussie étaient les pierres angulaires de l'Union. Le magistère moral de Nizamov avait été d'ailleurs très utile à Popov dès son arrivée au pouvoir, car il s'était tout de suite parfaitement entendu. Entre anciens apparatchiks du système communiste, l'assistance mutuelle fut vite de mise. Nizamov avait contribué à normaliser les relations entre la Russie et ses territoires turcophones, le Tatarstan, la Bouriatie ou la Kalmoukie, en se faisant le chantre de la future Eurasie qui les unirait par-delà les petites questions de passeport. S'appuyant sur les théories du géographe et économiste russe Piotr Savitsky, le président Nizamov réfutait la traditionnelle séparation entre l'Europe et l'Asie matérialisée par l'Oural. Il postulait l'existence d'un troisième continent, un monde géographique à part, l'Eurasie, dont le méridien descendrait en ligne droite de la Russie centrale au Kazakhstan. Le Kazakhstan, sous sa houlette, sans renier son héritage islamique, était devenu la Singapour des steppes. À la tête d'un pays qu'il voulait résolument laïque et multiculturel, le dirigeant kazakh fit tout son possible pour empêcher toute épuration ethnique et pour retenir sur son sol toutes les communautés installées à l'ère soviétique. Il s'évertuait à ne pas être la marionnette ou l'obligé de qui que ce soit en ce bas monde. S'il avait plaidé pour l'appartenance du Kazakhstan à l'Organisation de la coopération islamique, il ne se laissait pas pour autant dicter sa politique étrangère. Sans en référer à une quelconque autorité, il rétablit des relations diplomatiques avec Israël dès 1992. Il y effectua par la suite plusieurs voyages officiels pour signer des accords commerciaux ou des partenariats stratégiques. Non pleinement satisfait de parvenir à conserver les talents reconnus et d'en promouvoir de nouveaux issus des divers groupes ethniques du pays, il organisa un véritable brain trust pour attirer des savants et des ingénieurs russes. C'est dans ce cadre que le philosophe Mikhail Lyapunov, l'historiographe des Volkodlaks, intervint dans la toute nouvelle université eurasienne Lev Gumilev, érigée face au rutilant palais présidentiel d'Astana, la capitale de l'indépendance qui succédait à Alma-Ata. En ce milieu de matinée de début septembre, Leonov et Koslov arrivèrent aux marches du palais présidentiel d'Accorda. Koslov leva les yeux pour embrasser du regard le majestueux édifice de 80 mètres de haut. L'astre du jour dardait de ses feux le dôme coiffé d'une flèche dorée frappé d'un soleil à 32 rayons, sous lequel planait un aigle des steppes. Il suivait Leonov, qui se dirigea d'un pas assuré au travers du grand hall central, où une magnifique Eurasienne l'accueillit d'un large et engageant sourire. Il tendit ses papiers d'identité en même temps qu'un Bristol gaufré, où figurait le même rapace bolton sous un soleil platiné identique à celui qu'il avait eu tout le loisir de contempler quelques instants plus tôt. « Je me nomme Viktor Leonov. Avec le vice-premier ministre qui m'accompagne, je suis attendu par votre président. » La jolie jeune femme, reconnaissant le parabe du leader Maximo du Kazakhstan au bas du carton d'invitation, figea sur son visage de miel sa douce expression de poupée de porcelaine. Elle décrocha un téléphone verdâtre, manifestement pas très raccord avec le casque Bluetooth qu'elle avait utilisé peu avant pour les visiteurs qui les précédaient. Il s'agissait d'une délégation qatari prise en charge par de charmantes hôtesses en tailleur vert et coiffée d'un chapeau à voile intégré islamiquement correct. La réceptionniste échangea quelques mots en kazakh avec un planton flanqué de deux gardes sortis d'une porte masquée par un palmier d'intérieur. « Mes respects, messieurs, » leur dit dans un russe parfait l'un des deux agents. « Si vous le permettez, nous allons vous fouiller. » Il se retourna et désigna le palmier. « Je vous conduirai ensuite auprès du président Nizamov. » Léonov et Koslov se conformèrent aux règles de sécurité sans se formaliser. On les conduisit au hall oriental construit en forme de yourte. C'est là que Firouz Nizamov les attendait. Koslov s'arrêta dans l'embrasure de la grande porte habillée de deux tentures. Il scruta la pièce. Les parois dépouillées de tout parement en pierre tranchaient avec les murs se trouvant dans d'autres salles du palais où 21 sortes de marbres différents avaient été utilisés pour couvrir sol et plafond. Léonov remarqua que 3 types de tapis persans aux motifs variés habillaient cette yourte originale. Tout autour de la porte d'entrée s'étalaient des tapis inspirés des mosaïques ornant les mosquées et les palais d'Ispahan. Esfahan, Nes et Jahan, Ispahan, la moitié du monde, comme le clamait l'orientaliste Benjamin le Sage. Ensuite, au sol, s'étalaient des tapis de Shiraz, reconnaissables à leurs motifs aux figures géométriques simples, sur fond carmin, structurés autour d'un losange central, lui-même entouré de fleurs stylisées ou d'oiseaux en camaïeu de bleu. Enfin, l'allée centrale, que Léonov et Koslov empruntèrent, comportait une suite de tapis d'Ardabil dont les dessins folkloriques caucasiens étaient plus sommaires, mais dont la toile était plus solide pour résister aux nombreux passages. Léonov s'engagea d'un pas souple dans le vaste hall. Il salua chaque personne croisée sur le chemin qui le menait jusqu'au président du Kazakhstan, qui conversait avec un homme au complet gris. Nizamov aperçut ses hôtes. Il leur sourit courtoisement et leur fit signe de s'asseoir sur l'un des larges poufs qui entouraient une table basse sur laquelle trônaient un samovar et des chichas. Au bout de quelques minutes, après avoir pris congé de son visiteur, il se dirigea vers Léonov et Koslov, les gratifia d'une chaleureuse poignée de main. « Victor, heureux de te voir, » dit-il à Léonov. Puis, s'adressant à Koslov, « J'ai beaucoup entendu parler de vous par le président Popov. J'avais hâte de faire votre connaissance. J'ai éprouvé un grand plaisir lorsque Victor m'a appris que vous seriez dans notre pays début septembre et que nous pourrions nous rencontrer. » Le président Nizamov entraîna les deux hommes dans un petit salon qui se trouvait dans une pièce attenante jouxtant la yourte. Là, ils pourraient parler. Ils s'assirent face à face sur d'énormes coussins de cuir noir à la persane. Il avait été déposé sur une desserte de quoi boire et manger. Léonov, la quarantaine, tête blonde et bouclée, physique de videur, déjà impressionné par Koslov, sexagénaire grisonnant aux épaules tombantes, était émerveillé par les facultés mentales de Firouz Nizamov qui frisait les 70 ans. « Alors, monsieur le vice-premier ministre, où en êtes-vous avec les tokariens ? Mes douaniers me font état d'une intense activité chez les contrebandiers et les passeurs de l'est du pays d'Arsati à Zirianovsk. Nous avons envoyé plus de rapports à Moscou. Des remerciements nous ont été adressés, mais nous n'avons pas eu d'autres retours. » Koslov, qui supervisait l'opération, savait bien que le Pierre-Oursk avait tendu les Volkodlaks au général Youssoupi Madedinov, le président tokaristanais, fonctionnait à merveille. Il se garda d'en parler. Il dit simplement au président du Kazakhstan « Ne vous inquiétez pas, nous contrôlons les flux. Disons qu'avant de refermer le piège, nous attendons que tous les rats soient sur le bateau. » Léonov, qui connaissait la nature de la souricière, apprécia la réponse sibylline de Koslov. « Bien, bien. Je ne m'inquiète pas vraiment. » marmonna Nizamov. « Je veux juste que vous ayez bien conscience que l'afflux d'une telle quantité de combattants et d'armes dans ce cadran, c'est du jamais vu, de mémoire de Kazakh. Et nous en avons vu. » Il ne s'appesantit pas davantage sur la question et passa à l'objet de l'entretien, l'Eurasie. Firouz Nizamov, « Je suis ravi que ce soit toi que la Russie ait choisi pour diriger la commission et pour faire passer l'Union eurasiatique du rêve à la réalité. » Victor Léonov, « Je vous remercie de cette preuve de confiance. » Il se courbe légèrement, tout en ramenant sa main à plat sur son cœur à la manière orientale pour manifester sa sincère gratitude. Je suis là justement pour vous en parler. Nizamov, je serai heureux de t'apporter tout mon concours, que puis-je pour toi? Léonov, sur cet immense continent qui s'ouvre à nous, nous avons la grande occasion de bâtir l'union la plus puissante, la plus prospère et la plus stable que la Terre ait connue. Je parle d'une confédération qui irait du Dniepr à l'Ananir et qui descendrait jusqu'au Gange où chaque pays, chaque ethnie, serait administrée par elle-même selon son propre génie au niveau local, tout en se fondant dans une mosaïque globale de singularité et d'unicité, l'Eurasie. Je rêve d'une civilisation nouvelle où le loup et l'agneau boiraient ensemble, en toute quiétude, l'eau du même ruisseau, car le loup aurait pour mission de veiller sur l'agneau plus sûrement que ne le ferait un chien de berger. Mais grâce à des gens comme vous et comme Vladimir Popov, l'heure est venue de ne plus se contenter de rêver, mais d'agir. Nizamov, jusqu'au Gange, ne crains-tu pas d'avoir les yeux plus gros que le ventre, mon ami? Notre projet initial voulait fédérer les peuples d'Asie centrale, mais il n'a jamais été question, si je ne m'abuse, de descendre jusqu'au sous-continent indien. Léonov, c'est justement parce que mon projet est de dépasser le contrat initial que je viens vous voir. Je me rendrai juste après à Minsk pour rencontrer le président Alexandre Tsigalko. Si j'ai votre soutien à tous les deux, je pousserai avant, sinon je jetterai l'éponge. Nizamov, si vite, sans chercher à atteindre des étapes intermédiaires. Il se lève, se tourne vers la desserte, il attrape un plat chargé de friandises orientales. Léonov, la communauté des États indépendants, la CEI qui a succédé à l'URSS, a échoué, parce qu'elle se proposait comme avenir un passé. On ne peut pas se contenter d'une zone de libre-échange entre la Russie et ses voisins russophones. Il faut changer l'équilibre du monde. Tant que les anglo-saxons fabriquent les cartes, distribuent les cartes, ramassent les cartes et jouent au poker, ils peuvent se garder toujours un cinquième ou un sixième as dans leur manche. Pour modifier les rapports de force, soyons le maître de la partie afin de décréter que l'as, que nous savons faux, n'a pas autorité sur les autres cartes. Comme nous ne le pouvons pas, jouons à autre chose. Laissons le poker. Nizamov, à quel autre jeu songes-tu? Léonov, avec malice. Au Durak, bien évidemment. Nizamov, je ne connais pas ce jeu. À Kostlov, servez-vous, monsieur le vice-premier ministre. Il lui tend le plat de friandises. Alexandre Kostlov. Merci, monsieur le président. Le Durak était le jeu de cartes national en Russie et son origine remontait au temps lointain des tsars. Il était l'équivalent d'une bonne partie de belote entre ouvriers dans une guinguette des bords de Marne l'été 36, ou d'une manie dans un petit café à Marseille, sur le Vieux-Port, en compagnie d'escarte-figues, Panisse, César et M. Brun. Il se choisit une date à la pâte d'amande. Si le poker était un jeu de triche et de bluff, le Durak requérait de l'intelligence et de l'habileté, au point que celui qui perdait en cours de partie se voyait qualifié d'idiot, car tel était, dans la langue de Pouchkine, le sens du mot Durak. Ce nom, fort peu respectueux, était attribué au donneur, considéré comme le niais de la tablée, qui se voyait contraint de s'abaisser pour se mettre au service des autres joueurs. À la différence des autres jeux, où il pouvait y avoir plusieurs vainqueurs, au Durak il ne subsistait en fin de compte qu'un seul gagnant et un seul perdant. Il passe le plat à Léonov. Comme la partie pouvait se jouer de 2 à 6 joueurs, ces derniers se voyaient contraints de se regrouper pour jouer en équipe et ainsi mettre leur intelligence et leur malignité en commun pour vaincre l'adversaire. Le mécanisme fondamental reposait sur cette notion d'attaquant et de défenseur. Le perdant d'une partie devenant automatiquement le donneur ou Durak, l'idiot, de la partie suivante. Léonov, un temps, il se reprend. Le Durak n'est pas un jeu apprécié en dehors de nos frontières. Il est quasiment impossible de battre un Russe à ce jeu. Il saisit une figue fourrée aux noix. Tout comme Obélix est tombé dans la potion magique, les enfants russes sont bénis dans le Durak dès leur naissance. Ils en gardent à vie un avantage tactique inégalable. Il repose le plat de friandises sur la desserte. Firouz Nizamov, assommé. Tu veux changer les règles du jeu mondial? Victor Léonov, content de l'effet produit. Oui, monsieur le président. Je rêve de faire des Américains, ou plutôt de l'équipe anglo-saxonne, les Durak de la partie qui s'annonce. Et pour cela, tu as besoin de recoller jusqu'aux Indes, Léonov. Oui, car il nous faudra organiser un basculement géopolitique vers le centre démographique de l'humanité. Nous avons la chance historique de pouvoir atteindre la masse critique d'un humain sur deux si nous nous joignons à l'Inde et à la Chine. Et puis le flirt, je préfère ce terme à celui de racolage, est plus ancien qu'il n'y paraît. Nizamov, vraiment. Kozlov. Nous étions encore sous la présidence de Boris Lomakine quand, lors du sommet d'Ekaterinbourg, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud se sont fixés l'année 2040 pour dépasser, en matière commerciale, les vieilles puissances occidentales du G7 et l'année 2050 pour s'assurer une domination économique planétaire. Nizamov. Dans ce quintet figurent déjà trois chevaux. Léonov. Notre force, c'est que la Russie est le réservoir d'énergie de l'Eurasie. La Chine en est l'usine à ciel ouvert. L'Inde, le centre technologique. Avec Bangalore, la Silicon Valley du pays des haricots bouillis. Traduction toponymique de la cité du Karnataka. Kozlov. Les cinq pays appelés BRICS ont été pensés dès leur origine comme une nouvelle forme de convergence pour un non-alignement sur le système mondialisé fondé sur le dollar. Léonov. Les Indiens partagent cette doctrine comme les Chinois et nous-mêmes. Nizamov. J'entends bien. De là, ce que vous arriviez à travailler ensemble, il y a loin de la coupe aux lèvres, non? Il se prend une tasse de thé. Victor Léonov. Calme. Je pense que les cadres mentaux sont posés. Ce qu'il faut, c'est bâtir un système alternatif et le mettre en place d'un seul coup à la faveur d'un bug du système actuel que nous pourrions provoquer et qu'il nous faudra maîtriser. Alexandre Kozlov. Le Fonds monétaire international, le FMI, et l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, sont des chaînes forgées pour asservir et rançonner les pays qui n'acceptent pas de passer sous les fourches codines des financiers anglo-saxons. Léonov. En Europe, nous avons constaté, à l'occasion des crises grecques à répétition, que la Troïka était un instrument de l'impérialisme occidental méprisant la démocratie et bafouant les peuples. Kozlov, avec ironie. Sans vouloir offenser Victor Léonov, plutôt que de faire allusion à notre bonne vieille Troïka, je pense que le terme barouche, l'hippomobile teutone, conviendrait mieux en la circonstance. Il faut parfois rendre au Kaiser ce qui appartient au Kaiser. Cela me fait mal pour la Russie que les négris modernes prennent un mot de notre langue pour qualifier l'attelage de la Commission européenne de Bruxelles, de la Bundesbank européenne de Francfort et du Fonds monétaire de Washington. Il se lève pour se servir un soda. Il donne à Léonov la cafetière, puis il se rassoit. Victor Léonov. Pour ce coup, le cocotier, il nous faut viser juste, sachant que nous aurons un fusil à un coup. Si nous manquons notre cible, l'Américain, tel un buffle blessé, nous chargera. Nous risquons de basculer dans une troisième guerre mondiale. Il faut une troïka composée de la Chine, de l'Inde et de la Russie pour faire face à toute éventualité. Firouz Nizamov, sur un ton de reproche. Et nous, nos vieux compagnons, que devenons-nous dans ce bal des géants? Victor Léonov, gêné. Quand je dis la Russie, j'entends nous, les eurasistes historiques. Nos liens sont forts. La russophonie et les nations slaves atteignent 350 millions d'individus. C'est peu par rapport aux titans chinois et indiens. Cela reste cependant suffisant pour que nous soyons la pierre angulaire du nouvel édifice eurasien. Nizamov, et tu comptes t'y prendre comment? Léonov, dans un cri. Tout d'abord, nous devons trouver un cadre où chacun a sa place. Le monde actuel est capitaliste et financier. Il faut que nous soyons capables de rivaliser dans ces domaines. Il avale une gorgée de café. Kozlov, sentencieux. C'était tout l'enjeu du dernier sommet à Fortaleza, au Brésil. Nos cinq pays des BRICS ont trouvé un accord actant la création d'une banque de développement et d'une réserve de change commune. Comme l'a dit à cette occasion la présidente brésilienne Zica Arantes do Nascimento, c'est une contribution importante pour la reconfiguration de la gouvernance économique mondiale. Nous sommes en passe de créer un système alternatif aux institutions téléguidées par les nations occidentales comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Nizamov. Oui, j'ai suivi cela de près. C'est la Banque de développement qui s'est ouverte à Shanghai et qui s'est donnée pour objectif de financer de grands projets d'infrastructures dans les pays comme les nôtres. J'ai été démarché par son directeur, M. Zhuhuyan, le mois dernier. Il m'a expliqué que sa dotation de départ était de 50 milliards de dollars, mais que sa force de frappe était d'ores et déjà proche de 100 milliards. Léonov, docte. Selon Anton Kribov, notre ministre des Finances, notre banque commune diffère du FMI qui se permet une ingérence politique intolérable en échange de son aide. En effet, la banque eurasiatique ne conditionne pas ses prêts à l'application de potions amères comme le font les occidentaux, mais elle garantit la viabilité économique de tout projet nouveau. Nizamov. Le choix de Shanghai est intelligent. Dans le monde repolarisé, cette ville remplacera Wall Street et la City. Nizamov s'assoit à nouveau. Victor Leonov. Il y a un volet discret à cette coopération. Dans le cadre des 5 pays du BRICS, nos nations ont signé un accord instaurant une réserve de change commune dotée de 100 milliards de dollars. 18 milliards pour le Brésil, la Russie et l'Inde, 41 milliards versés par la Chine, 5 milliards par l'Afrique du Sud. Cette enveloppe est destinée à nous protéger en cas de nouvelle tempête sur nos devises. Alexandre Kozlov, indigné. Rappelez-vous le séisme déclenché il y a 3 ans après l'annonce du changement de cap de la politique monétaire américaine qui avait rapatrié des milliards de dollars au pays de l'oncle Sam. Firouz Nizamov. J'ai lu dans le Financial Times ou dans le New York Herald Tribune, je ne sais plus, que de nombreux experts doutaient néanmoins que ces 100 milliards de dollars suffisent à contrer la domination américaine. Silence. Leonov, le dévisageant. L'efficacité du faux est dissuasive et symbolique, c'est déjà beaucoup. Nizamov. Méfiez-vous tout de même de la Chine. Le brave Zhu Huyan m'a vanté votre banque commune. Il m'a aussi fait l'article pour la nouvelle banque asiatique d'investissement en infrastructure que Pékin a lancée en parallèle. Leonov. Je ne suis pas surpris. Il s'agit de l'embryon de la future banque eurasiatique. Sur ce sujet, il y a, rassurez-vous, un accord sino-russe. Lorsque nous culbuterons le dollar, il nous faudra une monnaie commune et une banque centrale. Mais cela, président, c'est encore dans les cartons. Kozlov, avec force. Zhu Huyan travaille en ce moment avec notre ami économiste Roman Zidov, qui dirige désormais la Banque de Russie. Il réfléchit au lancement d'un nouveau contrat de référence sur le pétrole brut pour rivaliser avec le Brent à Londres, le brut léger du Texas. Ce Brent servait de référence depuis les années 70 et avait permis de stabiliser les prix, d'atténuer leur volatilité et d'attirer à la City de Londres les investisseurs du monde entier. Leonov. Boris m'a expliqué que le plan de la nouvelle triade, Chine, Inde, Russie, visait à assurer la cotation en yuan, dans le cadre d'une parité fixe en roubles et en roupies indiennes. Nizamov, avec douceur et lenteur. Il faudra me présenter ce Roman Zidov. En économie, c'est comme en amour. Il faut des preuves, pour que cela commence et encore plus pour que cela dure. Notre faiblesse aujourd'hui est qu'il n'y a pas de ciment entre les BRICS ou dans la triade. Si nos intérêts convergent, une monnaie commune, mais surtout pas unique, prendra tout son sens. Si nous nous dotons de cette monnaie, cela annoncera le crépuscule du dollar et de ceux qui imposent leur loi grâce à lui. La discussion entre Nizamov, Leonov et Kozlov prit ensuite un tour différent. Ils évoquèrent plusieurs dossiers de moindre importance et finirent par un sujet qui manifestement préoccupait le président kazakh, la création de la capitale nouvelle d'Astana, née de son désir de modernité. Ici, on ne se contente pas de rêver, on construit. Avant de quitter le pays, promenez-vous dans les quartiers d'Astana. Vous verrez, messieurs, des cohortes de maçons qui creusent et bâtissent, des artisans qui s'ébrouent. Leonov se sentit l'obligation d'intervenir. Nous avons constaté que la ville est en pleine mutation. Partout surgissent des hôpitaux, des mosquées, des gratte-ciels avant-gardistes. Kozlov ne demeura pas en reste, d'autant que l'un de ces volcodlaks était concerné. Ces monuments ont été dessinés par les plus grands architectes du monde. J'ai reconnu des réalisations de Kurokawa, de Norman Foster et de Arkady Makovozov. Fier de constater que des visiteurs de la renommée de Kozlov et Leonov s'extasiaient devant tant de splendeur, Nizamov lança. Allez à la tour Baïtereg, au monument Otan Gorkouchilar et dans les jardins suspendus de l'est de la ville. Bientôt, chaque quartier aura sa grande école ou son édifice gouvernemental. Nous accueillons à partir du mois prochain l'exposition universelle. J'ai dessiné le plan du pavillon du Kazakh. J'ai établi le programme des attractions et des conférences. J'ai choisi les meilleurs spécialistes des énergies du futur que je veux mettre à l'honneur à cette occasion. Cette ville, mon pays, notre union sont mes chantiers. Astana s'épanouit, le Kazakhstan prospère et l'union se lève. C'est un âge béni que le ciel nous accorde de vivre, mes amis. Le jour suivant, Leonov partit pour Minsk afin de rencontrer le président Alexandre Tsigalko. En revanche, Kozlov dut prendre, l'après-midi même, l'avion pour se rendre à Paris au siège de l'UNESCO où Olga Gourina l'attendait. Finalement, élue au poste de directrice générale, elle était tenue à une allocution d'investiture le lendemain. Durant le vol vers la capitale française, dans les brumes des premiers jours de septembre, le vice-premier ministre mit la dernière main à une note préparée pour le président Popov. Dans le volet militaire, il mentionnait les divers préparatifs du plan de guerre monté par le stratège commandant Verkhoturov avec ses trois conseillers techniques, le chambellan Rakhamov, les lieutenants-colonels Kuznetsov et Pavlova, contre les terroristes islamistes dans l'oblast de Kemerovo. Dans le volet diplomatique, il signalait le travail effectué par l'ethnologue Gourina, le démographe Gouéliev, le géopoliticien Leonov et l'économiste Zidov pour mettre en place l'Union Eurasiatique.